En chinois, le mot « ce » dans le sens de « cela », »,« celui-là », par opposition à « ceci » ou « celui-ci » que nous avons déjà vu, se dit « na », doigt noir pointé vers le sol. « Na », pour « cela », »,« celui-là ». Quand il était petit, mon fils refusait de mettre son manteau vert et disait toujours « pas celui-là, na ». Et maintenant, traduisez « c'est mon ami » dans le sens de « celui-là est ». Dites d'abord « celui-là ». Na est shi mon wo de ami peng you. C'est mon ami là. Celui-là est mon ami. Na shi wo de peng you. Pour la question est-ce ton ami là? Nous allons prendre la phrase affirmative c'est ton ami. Celui-là est ton ami pour la transformer en interrogation. Donc, ce dans le sens de celui-là. Na. Est. Shi. Ton. Ni de. Ami. Peng you. Et le mot interrogatif. Moi. Comment dites-vous ami? Peng you. Oui. Peng you. Est-ce ton ami? Celui-là est-il ton ami? Na shi ni de peng you ma? Alors vous répondez oui, il l'est. Être. Shi. Il est mon ami, il. Ta. Est. Shi. Mon. Wo de ami. Peng you. Oui, il est mon ami. Shi. Ta shi wo de peng you. Cela amène quelque chose de très utile. Il peut arriver que vous ayez une conversation avec quelqu'un en mandarin et que vous ayez oublié le verbe qui vient juste d'être employé alors que vous voulez répondre oui ou non. Une manière très orale de répondre oui consiste à dire « Shi ». Nous ne vous demanderons pas d'utiliser ce mot dans ce cours, mais vous le rencontrerez quand vous parlerez avec des Chinois. Alors vous devez y être préparé parce que vous l'entendrez. Donc c'est « shi » comme pour le verbe « être ». Exactement. Et c'est la même chose pour « non ». Hein? Vous n'avez pas besoin de dire « ne pas être », vous pouvez juste dire le mot qui permet d'éloigner les fantômes, qui est « pou ». Oui, la négation. Et c'est un autre moyen de dire simplement « non » pour répondre à une question quand vous ne vous souvenez pas du verbe employé ou quand vous n'essayez même pas de vous en souvenir. Vous pouvez alors utiliser « shi » pour dire « oui » et pour répondre « non », vous direz « pu ». Donc, à la question « est-ce ton ami ?», comment allez-vous répondre « oui » ?« Shi ». Et comment répondriez-vous « non » ?« Pu ». Maintenant, traduisez « celui-ci est mon professeur »,« celui-là est ton professeur ». Alors, dites d'abord « ce », »,« celui-ci ». « Zhe » est « shi ». Mon professeur. Wo de lao shi. Celui-là est ton professeur. Na shi ni de lao shi. Celui-ci est mon professeur. Zhe shi wo de lao shi. Celui-là est ton professeur. Na shi ni de lao shi.